Si Joubert meurt assassiné après avoir été hissé sur le pavois, alors qu'il s'apprêtait à assiéger la ville de Tournai, dans laquelle était enfermé son frère Chilpéric, ainsi que sa nouvelle femme Frédégonde. Assassiné de façon suspecte, lardé de coups de couteau par des esclaves qui prennent la fuite, Sigebert est enterré en grande pompe par son frère. C'est l'occasion d'ailleurs d'effacer l'ardoise de tous les conflits qui ont pu les opposer dans le passé, et évidemment de récupérer d'ailleurs la ville de Soissons, qui appartenait à Sigebert, ainsi que d'investir la ville de Paris, de mettre la main sur Brunehaut, la femme de Sigebert, et de l'envoyer prisonnière à Rouen. Les filles d'ailleurs de Brunehaut sont toutes envoyées au couvent. Et malgré tout, le petit Childebert, qui est l'enfant que Brunehaut a eu avec Sigebert, a réussi à s'enfuir et est hissé sur le trône d'Austrasie, avec pour régent, à ce moment-là, au début au moins, Loup de Champagne, un grand du royaume, donc Loup de Champagne. Mais Chilpéric vit très mal le fait que lors de cette dernière bataille, eh bien son fils Tibère a été tué sur les murs de Paris par Gontran de Bison, nous savons, donc le général en chef des armées austrasiennes. Et donc il décide de faire une guerre de Fède. Une guerre de Fède est une guerre, comme nous avons vu, de vengeance privée. Une sorte de vendetta germanique, à la mode germanique, mais qui est comme la vendetta corse, donc contre ce Gontran de Bison, ce général de Sigebert, qui à ce moment-là gouverne la ville de Tours, pour le compte d'ailleurs des Austrasiens. La ville tombe assez rapidement d'ailleurs aux mains des hommes de Chilpéric, mais il ne peut pas porter la main sur le meurtrier de son fils, car celui-ci s'est réfugié dans la basilique Saint-Martin de Tours, territoire d'Église, où il est donc interdit de verser le sang, sous peine d'excommunication. Alors que Chilpéric est occupé à Tours avec le gros de ses hommes, Mérovée, le troisième fils que Chilpéric a eu avec Audeverre, nous savons donc que Chilpéric a eu plusieurs fils avec Audeverre, sa première femme, qu'il a dû répudier pour épouser ensuite Glasvinte. Donc ses fils sont Tibère, ensuite Clovis et ensuite Mérovée. Et donc Mérovée est le petit troisième, un peu oublié, et il veut aussi se tailler un nom. Clovis, même s'il n'a pas gagné toutes les batailles, est un personnage charismatique, et Tibère était le préféré de son papa. D'ailleurs, dont la mort justifie cette guerre de fête. Donc Mérovée, lui aussi, il veut se faire un peu mousser auprès de son père. Et il décide de devenir roi d'Austrasie. Rien n'est plus simple que ça, puisqu'il se rend immédiatement à Rouen avec une petite escorte, demande la main de Brunehaut, qui est complètement prisonnière, donc elle n'a pas vraiment de liberté d'aller et venir, et dont le destin, en réalité, était plutôt le couvent. Or, Brunehaut n'a pas du tout envie de finir au couvent. Et la perspective de devenir reine à nouveau en étant la femme de Mérovée, finalement, elle considère que c'est une solution à moindre mal, et elle accepte. Prétexta, évêque donc de Rouen, évêque complaisant, évêque qui n'a pas trop envie de se fâcher avec les puissants, marie Brunehaut et Mérovée, assez rapidement, et sans le consentement de Chilpéric, qui revient avec ses hommes à Rouen, foudrage. Brunehaut est immédiatement appréhendé et elle est renvoyée en Austrasie, à la cour de Metz. Quant à Mérovée, il est récupéré par Chilpéric et après l'avoir récupéré, Chilpéric lui fait comprendre qu'il s'est comporté de façon traîtreuse et que la traîtrise n'est punie que par la réduction à l'esclavage. Donc Mérovée perd tous ses droits parce qu'il devient esclave. Et puis finalement, Chilpéric se ravise et dit, ben non, finalement, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui prie pour moi, eh bien je vais l'envoyer au couvent. Et il envoie son fils Mérovée au monastère, dans un monastère, au couvent. Évidemment, Mérovée ressasse son grand désir, son désir de grandeur, de royauté, alors qu'il est enfermé dans un monastère et soumis au rythme des prières des moines. Et ce qui fait que ce qui fait que, à force de respirer de l'encens, d'avoir cette vie rythmée par les offices des moines et de passer ses jours en prière, il sort plus convaincu encore d'être appelé à la mission divine de devenir le roi d'Austrasie. C'est Dieu qui lui a demandé de prendre le trône d'Austrasie. Il se précipite à Reims, puis de Reims va jusqu'à Metz, et à Metz, il s'attend à être accueilli en triomphe, et en fait, il reçoit un accueil très froid de la part de Brunehaut, et encore plus froid de la part des grands du royaume d'Austrasie. Il est vu comme un personnage gênant. On ne veut pas. Sa seule présence risque de provoquer à nouveau le puissant voisin de l'Ouest, le puissant roi de Neustrie, Chilpéric. Il se replie alors à Reims, avec quelques Austrasiens ralliés comme Loup de Champagne. En Neustrie, royaume de son père, la Neustrie, il faut savoir, s'appelle la Neustrie. Enfin, le mot Neustrie apparaît en réalité 100 ans plus tard, 100 ans après l'époque que nous décrivons, dans les écrits d'un chroniqueur italien, un certain Bobbio. Qui utilise ce mot finalement pour distinguer le royaume de Chilpéric du royaume de Gontran et du royaume de Sigebert. Le royaume de Sigebert, nous savons, c'est l'Austrasie et l'Aquitaine. Le royaume de Gontran, c'est globalement la Bourgogne. Et le royaume de Neustrie, c'est ce grand royaume qui se trouve à l'ouest. Donc Neustrie, c'est la contraction du mot nouveau, nouveau ouest. Donc, nouveau royaume de l'Ouest, Neustrie. Donc, à l'époque de Chilpéric, ce royaume de Neustrie n'existe pas en tant que tel. Alors, en Neustrie, évidemment, Chilpéric défait les partisans de Mérovée. Il punit les partisans de Mérovée. Alors, il commence tout de suite par l'évêque Prétextat, qu'il dépose du siège épiscopal de Rouen, pour mettre à la place un proche de Frédégonde, l'évêque Melaine. Grégoire de Tours est accusé, lui, de félonie, mais s'en sort pour rentrer dans les bonnes grâces du roi et doit accepter de partager un repas avec lui sans présence de goûteur. Grégoire de Tours, on le sait, est très proche de Sigebert. Sigebert, d'ailleurs, enfin, qui est mort malheureusement, était son principal commanditaire. Et il les connaissait bien. Mérovée, lui, est finalement tué par ruse à Thérouanne, dans le nord de la Neustrie, dans une ville qu'on lui avait fait croire alliée à sa cause. Il est lardé de coups de couteau à l'extérieur des murs, dans les mêmes conditions suspectes que Sigebert en 575. Est-ce que Frédégonde est derrière ce crime? Donc, la scène du meurtre de Mérovée se passe en 577. Chilpéric, on sait, n'est peut-être pas derrière ce crime parce que même s'il est sévère avec ses fils, il ne supporte pas de les voir tués. Et Chilpéric est furieux de la mort de son fils. En plus, il a perdu son fils de 2 ans, Samson. La suite dans la prochaine vidéo.